Le Galaxy qui save the rhythm. Oh, nous on sauve le rythme évidemment. Juste après le top, vous aurez l'occasion de nous appeler, de jouer. En tout cas, on l'espère pour vous. Votre entrée pour aller faire un petit tour du côté des clubs. Par exemple, le Bliss, la Bûche, le Captain, le Complexe, du côté de Saint-Nicolas, l'Escape, Plage de Zoo, le Colosso, le Pulse Factory. C'est juste après le top. Galaxy, out of time, out of time. Vous pensiez vous en être débarrassé. Oui. Vous pensiez que le monde était sauvé. Vous aviez tort. Ne paniquez pas, la Terre entière compte sur vous. La Terre entière compte sur vous. people who loves the good things, who loves the deep soul things. We love to play sweet games together, like a big family in the dance floor. We are the kids of the choir revolution, and we fight for a new quiet concept of evolution. We play house music, you dance house music, we feel house music, music. We love the truth, truth, truth, truth, truth, truth, truth, truth, truth, truth, truth, truth, truth, truth, truth, truth. Avant, je n'étais pas si bien dans ma peau. Les mois s'écoulaient et chaque mois s'accoulait. Maintenant, tout a changé. Ma liberté, je la porte sur moi, dans mon sac, chaque mois. C'est petit, c'est léger, ça sent bon, c'est gai. Moi j'aime. Freedom. Freedom, ça veut dire. Oh merde, qu'est-ce que ça veut dire? Oh là là. Tonight, the night, ooh, me. swim in sea of love. When you're close, minutes, bienvenue à bord de ce vaisseau intergalactique, le Sonic avec le Tonight, le Adji et Emmanuel Vocal Mix, on aime bien sur le label DJ Center Records. Bienvenue, on vous parle tout de suite de l'agenda avec le centenaire et les 3-5 de Beaulieu. Ce sera évidemment dimanche avec une représentation à partir de 15h30 à la Maison de l'éducation permanente de Waterloo, comédie en deux actes de Bruno Druyard, réservation 03 20 80 63 21, prix fixé à 5 et 7 euros. Et toujours bien les excursions proposées par l'office du tourisme de Waterloo. Mesdemoiselles Rita et Martine, on vous embrasse les filles. Donc la prochaine excursion programmée le 18 mars, c'est-à-dire dans très longtemps. Mais prenez le temps d'y aller, hein. Franchement, mais dépêchez-vous, les places sont limitées. Au programme de cette journée, visite de l'historial de Péronne, suivi d'un déjeuner cabaret spectacle, les transports aller-retour au départ de Waterloo, renseignements et inscriptions au 189 rue Carnot à Waterloo ou directement au téléphone 03 20 75 85 86 pour tous les renseignements. Vous nous appelez maintenant pour les boîtes 03 20 83 57 deux fois. Vous choisissez la discothèque de votre choix, c'est tout de suite. Galaxy. Don't stop music. Allez, vas-y, appelle la radio. Si ça marche pas, tu recommences. T'appuies sur bis et tu niques la touche. so good. This is a brand new condition. So please, don't be fooled. Thank you. Junior Jack, avec le See You Dancing. Magnifique, c'est le matin, tout va bien. Et quand je dis que c'est le bonheur total, c'est le bonheur total. Bienvenue, vous écoutez Galaxy après le top. Évidemment, vous aurez l'occasion de nous appeler, de jouer et de gagner. En tout cas, on espère pour vous votre entrée pour aller faire un petit tour du côté des clubs partenaires de Galaxy, évidemment. 03 20 83 57 deux fois avec un petit exemple. Par exemple, du côté de la bûche, samedi, avec une électrochoc en compagnie de Samuel Sanders, Frank G et Chronique. Le complexe du côté de Sonny Class en compagnie de Ronald Vecone qui a ici, Darky et D-Fate. Ce sera du côté de Sonny Class entre Anvers et Gand. Gand et Anvers en tout cas. Galaxy. Il est pile 9h, vous écoutez Galaxy, et juste après le top. Vous nous appelez pour les discothèques. Bonne chance. Galaxy. Out of time. Out of time. Le sixième jour, Dieu créa Galaxy. Le septième jour, il se reposa. Et le huitième jour de l'an 2010, dans un laboratoire retiré, un scientifique exilé créa l'impossible. Uni. Manifestement humain, incontestablement animal. Willy the Galaxy. Yo, j'aime bien Willy the Galaxy. Willy the Galaxy. J'aime bien Willy the Galaxy. Galaxy. Willy the Galaxy. We'll be right back. pouvoir changer de planète. Allô, docteur, mon mari délire, écoutez. Quoi ? Je suis fou ? Ça n'est pas mal non plus. Comment ? Oui. Il a pris ton âme. Il aura ta femme. We'll be right back.

encore un objectif intergalactique. Le kiki de tous les kikis. Chez Dicky. Ah, et c'est comme ça. C'est sur Galaxy. Le Trust Me est encore une découverte inter-sidérale, inter-fantastique. Bienvenue, vous écoutez Galaxy. On vous parle tout de suite de Nom d'une pipe. C'est terrible, ça. Du 27 février au 31 mars au musée des arts et traditions populaires de Waterloo. Elle retrace l'histoire du tabac de ses fabricants de pipes en pierre. C'est terrible, l'histoire de la pipe. Et magnifique, ainsi que les traditions populaires et manufactures donc du 19e siècle dans les régions du Nord. L'entrée est libre, en renseignement 03 20 75 89 50. Claire Diterzi sera présente à l'occasion de la Journée internationale de la femme, donc en concert le jeudi 8 mars à 20h30 à la boîte à musique. Donc je vous conseille fortement d'aller voir, auteur, compositeur, interprète. Elle impose sa singularité avec des textes fluides et lyriques. Infoline 03 20 75 85 86 www.claire.com. Claire Diterzi.fr. Dans les médias, vous appelez Galaxy 03 20 83 57 deux fois pour gagner l'entrée de votre choix. Dans les médias, vous partez du côté du standard pour gagner l'entrée de votre choix. 03 20 83 57 deux fois. C'est tout de suite. Galaxy. Galaxy. Don't stop. Stop music. Allez, vas-y, appelle la radio. Si ça marche pas, tu recommences. T'appuies sur bis et tu niques la touche. Bibi. Mais qu'est-ce qu'il raconte, l'avorton? C'est buongiorno. Tu veux que je te botte le cul? Non, non, non, non, non, non, non, non, non. T'avais déjà vu ça? Est-ce que tu veux que je te fasse un dessin? Oh la vache, oh la vache. Willy. Attention, vous allez disjoncter. Comme c'est bien dit. Bienvenue, bienvenue, welcome. Un jour, je vous chanterai Papa Noël. Il est devant toi. Oh, ça, c'est possible. Willy. Sans doute, le meilleur du monde. Tout de suite, Stéphane Laroche, puisqu'il est 10h, à la bonne heure.